الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu hier une des caractéristiques parmi les caractéristiques des incroyants, des hypocrites, qui est le mensonge. Et on a vu l'importance d'être véridique. Aujourd'hui, on continue dans ce sens avec un hadith très important. L'auteur qui nous dit wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhun kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha. Il y a quatre caractéristiques qui, si elles sont réunies chez un individu, alors celui-ci est un hypocrite pur. Celui-ci est un pur hypocrite. Mais quand une personne a une de ces caractéristiques, alors il a une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Iza tumina khan. Quand on le fait confiance, il trahit. Wa iza haddatha kadhab. Et lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il s'engage, lorsqu'il promet, alors il ne respecte pas son engagement. Et lorsqu'il est en conflit, il transgresse. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, ainsi que Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ahmed. Et d'autres. Et donc, ô chers frères, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre les caractéristiques des hypocrites, contre les caractéristiques de l'hypocrisie. Et certes, on a déjà vu précédemment le danger de cette maladie, la maladie de l'hypocrisie. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit que les hypocrites sont les gens qui sont dans le plus bas degré dans l'enfer, le plus bas degré du feu. Inna al-munafiqin fi d-darki al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré du feu. Et donc, ô chers frères, le croyant, le musulman, doit refuser d'avoir en lui ne serait-ce qu'une des caractéristiques des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous en a cité quatre. Dans une autre narration, il nous en cite trois. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous a cité énormément de caractéristiques des hypocrites. Et il est important que nous, lorsqu'on voit ça, on sait très bien que le croyant, il a des défauts. Le croyant a des faiblesses. Le croyant n'est pas parfait. Mais lorsqu'on voit cela, lorsqu'on voit ce rappel, on doit s'efforcer de corriger, d'enlever le mal qu'on a en nous. Si on a en nous une caractéristique de l'hypocrisie, nous devons nous efforcer de l'enlever. Et comme je le dis souvent, c'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on s'assied ensemble. C'est pas pour apprendre les caractéristiques de l'hypocrite. Ah, Foulen, c'est un hypocrite. Foulen, lui, il a des caractéristiques de l'hypocrite. Et toi? Et donc, si on apprend, si on étudie ensemble, nos chers frères, c'est pour que chacun, on fasse l'effort de nous purifier. Et qu'on enlève les défauts que nous avons, qu'on enlève les maladies que nous avons, car ce sont des maladies. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse, il parle des munafiqin. Et il nous dit, fi kulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Ils ont une maladie dans leur cœur, Allah a augmenté la maladie. Et donc, parmi les caractéristiques des munafiqun, il y a donc, idha tumina khan, lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Un dépôt, c'est accordé. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un bien. Ça peut être une parole. Ton frère qui vient, il te donne un secret. Hein, Cheikh Abdullah al-Bukhari. Il dit, ton frère, il vient, il te fait confiance. Il sait qu'il peut te confier quelque chose qui est lié à son intimité. Quelque chose qu'il ne dira pas à d'autres personnes. Une erreur, un péché qu'il a peut-être fait parce qu'il a besoin d'être conseillé. Alors il vient te voir et te dit, « Ya akhi, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et toi, derrière, tu viens, tu trahis ce dépôt. Alhamdoukallah. Tu viens, tu trahis ce dépôt. Tu vas voir les frères à droite, à gauche, un tel a fait ça, un tel... Si tu savais ce qu'un tel a fait, si tu savais ce qu'un tel a fait. هذه صفة من صفات النفاق. Ça, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrisie. Il est important, chers frères, qu'on fasse attention à ça, qu'on respecte les dépôts. Que tu fasses attention quand une personne te fait confiance, que tu ne trahisses pas la confiance de cette personne. Et certes, les savants, elles nous citent les plus grandes formes de trahison, la trahison dans la religion. La trahison dans la religion. Lorsque tu sais pertinemment qu'une personne, elle est dans le faux, que tu sais pertinemment que cette voie est une voie de l'égarement, et que tu te tais. Les gens te font confiance. Ils disent, s'ils se taisent, c'est parce qu'il n'y a pas de mal. Sinon, ils nous auraient dit que c'est un mal. Voilà pourquoi les savants, ils nous disent que c'est très dangereux lorsqu'une personne, on lui accorde la confiance dans la religion et que cette personne n'est pas sincère, ne fait pas preuve de sincérité envers les croyants. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre du livre, après l'avoir clairement montré, ce que nous avons fait descendre comme guidé, après l'avoir clairement montré et expliqué aux gens dans le livre, ceux qui cachent cela, alors ce sont eux que maudissent, les maudisseurs. Oulaika yal'anuhumullah, ce sont eux que maudissent, que Allah maudit ainsi que les maudisseurs. Cheikh Saadi rahimahullah, il nous dit ici, al'uqubatu min jinsil amal. La sentence est du même genre que l'acte. Cette personne a trahi, elle a trahi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'elle n'a pas respecté son engagement. Elle n'a pas respecté le fait de dire la vérité concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala vont maudire cette personne. Et donc c'est grave. Le fait de trahir une personne dans la religion. Et donc, oh chers frères, il faut qu'on pense à ne pas tomber dans cette gravité. Le fait de trahir la confiance des gens. Et certes, vous voyez, oh chers frères, que ce hadith, il est général. C'est pour ça que j'ai bien dit la confiance des gens. Je n'ai pas dit la confiance des musulmans. Il a tout miné khan. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Ne pense pas que tu peux trahir les kafaras. Ne pense pas que tu peux trahir les incroyants. Le croyant, il ne trahit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en état de guerre. Dans notre législation, lorsque les musulmans ont signé un pacte de paix avec un état, et qu'ensuite cet état, il fait quelque chose qui va entraîner la rupture de la période de paix, les musulmans ne peuvent pas attaquer sans avoir prévenu. Subhanallah, la beauté de la religion. On ne trahit pas. On a un engagement avec vous, c'est la paix. On vous signale que l'engagement, il est rompu. Mais on vous prévient, l'engagement, il est rompu. C'est pas on vous fait croire, c'est la paix, tout va bien, ensuite on vous attaque. Non. Les musulmans ne font pas ça. Lorsque la personne a confiance en toi, la personne se croit en sécurité. Et c'est là que tu vois que ces gens-là, Daesh, hein, Saleh, Abdessalam, hein, Fihim sifatun min sifatin nifaq. Ces gens-là, ils ont en eux une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que les gens, lorsqu'ils sont civils, ils sont là, ils se sentent en sécurité. Toi, tu viens comme si tu ne veux attaquer personne. Ensuite, tu sors une arme, tu sors une bombe et tu tues les gens. Et donc, tu fais croire aux gens qu'ils sont en sécurité. Et donc, eux, ils te font confiance. Ils ne se préparent pas à une attaque. Et toi, tu trahis. Ça fait partie des sifat des munafiqin. Ensuite, parmi les autres sifat qu'il a cité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une sifat qu'on a vue hier, Lorsqu'il parle, il ment. Certes, on a déjà vu hier le danger de cette caractéristique. C'est une des caractéristiques des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala, justement, lorsqu'il dit dans sa parole, fi kulubihim maradun, fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Ils ont une maladie dans leur cœur. Alors Allah a augmenté la maladie et ils auront un châtiment douloureux à cause du fait qu'ils mentaient. Et donc, an-nifaq, l'hypocrite, parmi ses caractéristiques, il y a le mensonge. Le croyant ne doit pas mentir. On ne doit pas avoir en nous cette caractéristique, le mensonge. Nous devons tout faire pour retirer cela. Celui qui a en lui le fait de mentir doit se corriger, doit se repentir. Il doit demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser cela, délaisser cette caractéristique des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala qui décrit les hypocrites, idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allah sait pertinemment, il sait que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Et donc le croyant, il n'est pas normal, ô chers frères, il n'est pas normal que le croyant, il entende ça. Ça, ce sont des caractéristiques des hypocrites, etc. Et qu'ensuite, il vienne et il ment. Adi. Adi. Les frères, les koufars de Quraysh, les koufars, ceux qui ont combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont fait la guerre contre les musulmans, ils ne voulaient pas mentir. Ils ne voulaient pas tomber dans le mensonge. Est-ce que Mohammed était connu comme étant quelqu'un de bien parmi vous? Oui. Oui. Ils disaient la vérité. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient peur qu'on dise d'eux que ce sont des menteurs. Aujourd'hui, subhanallah, l'Ali al-Azim, une personne qui fait partie des salafiyins, qui s'affilie à la sunna, il est capable de mentir jour et nuit, adim. Et c'est pour ça que je vous dis, les frères, la salafia, c'est pas se laisser pousser la barbe, porter un kamis, et tu dis, je suis salafi. C'est pas ça la salafia. Elle est amel. Dans toute ta vie, tu dois œuvrer avec la sunna. Et lorsque tu as des défauts, tu te corriges, tu cherches à te corriger. On sait très bien, on ne peut pas être parfait. Personne n'est parfait. Mais cherche à te corriger, fais les causes. Et ensuite, parmi les caractéristiques qu'il a citées, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, idha ahad radar. Lorsqu'il s'engage, lorsqu'il promet, il ne respecte pas son engagement, il ne respecte pas sa promesse. Cette caractéristique aussi, elle est lourde, elle est grave. Et certes, les savants, ils ont beaucoup mis en garde contre cela. Notamment, on a Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qui a même abordé un sujet que beaucoup de gens négligent à notre époque. Beaucoup de gens négligent à notre époque. Bon, on se donne rendez-vous à quelle heure? 11h. À 14h, la personne n'est pas encore arrivée. Tu l'appelles, j'arrive. Je suis sur la route. Je suis dans le quartier. Les savants nous disent que si, intentionnellement, c'est-à-dire que tu as l'intention de khalef, si tu as l'intention de ne pas respecter cet engagement que tu as eu, tu as une caractéristique des hypocrites. Lorsque tu dis à la personne rendez-vous à telle heure, c'est un engagement, on s'est mis d'accord. La personne, elle a des choses à faire. Hein? Elle a des activités. Elle est mariée. Elle a un travail. Elle doit étudier. Elle veut lire le Coran aussi. Et donc, elle te donne un rendez-vous à une heure. Si tu as l'intention, toi-même, tu as l'intention de ne pas respecter ce rendez-vous, sache que tu as une des caractéristiques des hypocrites. Et c'est là qu'on se dit, subhanallah, on est loin. On est loin. Et donc, il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum. Il faut qu'on fasse très attention. On sait pertinemment, nous sommes faibles. Ça peut arriver que tu t'engages à faire quelque chose. Et qu'ensuite, il y a un élément qui fait que tu n'y arrives pas, ou que tu vas prendre du retard, ou ça peut arriver. mais que toi-même et chacun se connaît mieux que les autres. Ou chacun se connaît mieux. Et donc, chacun connaît mieux sa propre personne. Si tu sais qu'en toi, ça t'arrive d'avoir l'intention de prendre un engagement, mais que dans ta tête, tu es en mode, là, ben, c'est pas grave si j'arrive un petit peu plus tard. Là, ben, c'est pas grave si... Sache que ça, c'est une caractéristique des hypocrites. Ne t'engage pas avec intention de khalef, avec intention de ne pas respecter cet engagement. Et donc, aussi, parmi les caractéristiques qu'il a citées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il y a un point important, notamment, vu qu'on est entre jeunes, alhamdoulilah. Lorsque tu te maries, hein, il faut que tu saches que cet engagement que tu prends avec cette femme, c'est un engagement solennel. C'est un engagement qui est d'une grande importance. Une très grande importance. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Elles ont pris de vous un engagement solennel. Cette femme, elle s'est donnée à toi. Elle s'est donnée à toi. Parfois, elles viennent, les sœurs, avec des conditions. Elles viennent avec des conditions. Combien de sœurs se sont déjà mariées avec condition de l'hijra? Condition de l'hijra. Elle te dit, moi, ma condition, je ne veux pas rester fébile et d'el-kufr. Je veux partir le plus tôt possible. Oui, oui, le plus tôt possible, on part. 10 ans après, je respecte, t'inquiète pas. Le plus tôt possible, 10 ans après. Cette sœur, elle s'est donnée à toi, akhi. Elle s'est donnée à toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors du plus grand rassemblement de la communauté musulmane à son époque. Le plus grand rassemblement de la communauté musulmane à son époque, el-Hajj. Il a attendu la fin de sa prophétie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les musulmans se sont rassemblés pour leur dire « Ittaqullaha fin nisa » Craignez Allah concernant les femmes. Craignez Allah concernant les femmes. Hein? Car vous, elles, car leurs parties vous ont été rendues licites par un engagement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Craignez Allah concernant les femmes. Pour tous nos frères qui jouent avec les femmes. On se marie, on divorce. On se marie, on divorce. On se marie, on divorce. Ah non, mais elle ne me plaît pas. C'est un engagement que tu as pris avec cette femme. Et donc, on a aussi parmi les caractéristiques qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vont transgresser dans le conflit. Ça veut dire quoi, transgresser dans le conflit? Je ne suis pas d'accord avec Youssef. Youssef, je ne suis pas d'accord sur un sujet quelconque. Ok? Et ensuite, Youssef, il vient avec les preuves pour me montrer que j'ai tort. Et Abdelkarim, 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, 2 plus 1, ça fait 3. Et que moi, je vienne, je dise, non! Tu peux dire tout ce que tu veux, hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait pas 3, ça fait 1. Pourquoi? Et je vais chercher une excuse à droite à gauche. Lorsque tu prends un œuf, tu as la coquille, tu as le blanc et tu as le jaune. Tout ça, ça fait un œuf ou 3? Ça fait un œuf. Et donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 1. Tu vas chercher à t'attacher à des toiles d'araignée pour refuser une vérité. Oh, cher frère, barakallahu fikoum, ne tombez pas dans ça. Tu sais que tu as tort. Ça fait pas mal de dire, barakallahu fikoum, mon frère, tu m'as conseillé, j'avais tort. Khalas, l'histoire, elle est terminée. L'histoire, elle est terminée, ça s'arrête là. Le fait de ne pas vouloir admettre que c'est tort. Le fait, lorsque tu as un conflit avec ton frère, que tu refuses la vérité. Tu refuses d'admettre que tu avais tort. Et tu vas chercher de fausses excuses. Cela fait partie des sifats des hypocrites. Cela fait partie, oh cher frère, des sifats des hypocrites. Et Cheikh Rabi'a, hafidhahullah ta'ala, il met en garde, notamment lorsque cela va entraîner, lorsqu'on va être dans les sujets religieux, et que la personne va commencer à critiquer des personnes injustement. Critiquer des personnes injustement. Mettre en garde injustement. Pourquoi? Parce que ça te dérange. Parce que ça te dérange. Tu es en conflit avec la personne. Pour sortir du conflit, Foulen Ahmak. On arrête. Foulen Char. Il est mauvais. On arrête. C'est bon, c'est terminé. L'histoire, elle est réglée. Tes preuves, j'ai dit l'histoire, elle est réglée. Mais parle pas de preuves. Ça fait partie des sifats des Mounafiqin. Tu as un conflit, pose-toi avec ton frère. On regarde qui a raison. Celui qui a tort, il revient. L'histoire, elle est réglée. Personne n'est parfait, les frères. Personne n'est parfait. Hier, je parlais avec un frère. On a abordé le sujet de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Vous êtes au courant que les compagnons, il y a une fitna entre eux, un malentendu, un désaccord, et que certains ont profité de ce désaccord pour semer le trouble entre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que certains se sont battus mutuellement. Ça a entraîné la mort de certains des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, Talha. Talha, radiallahu anhu, il est mort. Ali ibn Abi Talib, il a pris le gouvernement, il a pris l'autorité, il est devenu le gouverneur de la communauté musulmane. Et le conflit s'est arrêté là. Le fils de Talha, il est venu voir Ali. Ali ibn Abi Talib lui a dit « Marhaban bik, bienvenue. » Talha lui dit « Kotel ta abi, wa turahibu bi, tu as tué mon père et tu me souhaites la bienvenue. Tu as tué mon père et tu me souhaites la bienvenue. Et tu as pris mon héritage. Parce que tu as tué mon père, j'ai un héritage. Comment ça se fait que je n'ai pas eu mon héritage? Il est où? Alors Ali lui dit, concernant ton héritage, il est là. Je l'ai mis dans l'argent de la communauté musulmane, Beitul Mal. Va, sers-toi, prends-le. Et concernant le fait que tu dises que j'ai tué ton père, alors j'espère que ton père et moi, j'espère que ton père et moi, nous rentrions tous les deux dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous avons retiré la rage, la rancœur qu'il y a dans leur cœur. Parce que, lorsque les croyants rentreront au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala va retirer la rancœur qu'il y a dans leur cœur, ici-bas. Et il y a une personne qui a entendu ça, elle a dit, « Inna Allah a'dalu min dhalik » Allah est plus juste que cela. Ne pense pas que juste Allah va retirer la rancœur. Et c'est... Allah est plus juste que cela. Ali s'est énervé. Radiallahu anhu. Et il a dit, radiallahu anhu, si nous, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne rentre pas dans ce verset, alors qui d'autre? Qui d'autre? Si les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs de cette communauté, il n'en rentre pas dans ce verset, alors personne ne rentre dans le verset. Personne. Et donc tout cela pour montrer aux chers frères que ce conflit qu'il y a eu entre eux, il n'a pas fait que Ali, après cela, il se sente plus fort que son frère. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai pris le pouvoir, etc., etc. Non, on a eu un problème, on a eu un conflit. Mais on espère que, fil akhira, Allah tabaraka wa ta'ala, il retire ce qu'il y a eu, inshallah ta'ala, dans nos cœurs comme rancœur, comme haine. Et qu'on soit ikhwatun, ala sururin mutakabilin. Et qu'on soit des frères, sur des divans, face à face, ensemble. Et donc, lorsque tu as un conflit avec ton frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher à transgresser dans le conflit pour avoir raison. Parce que l'objectif, ce n'est pas que tu aies raison ou que tu aies tort. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que nous deux, on se corrige. Et que nous deux, on aille au paradis, c'est ce qu'on veut. Tu veux pas avoir raison, tu veux aller au paradis. Comme la parole qui a été rapportée de Shafi'i rahimahullah. Ma jadaltu ahadan illa li yadhhar al haqq ala lisani aw ala lisanihi huwa. Je n'ai débattu avec personne. Je n'ai débattu avec personne sans avoir l'intention que la vérité apparaisse sur ma langue ou sur sa langue à lui. Voilà mon intention dans le débat. Moi, ce que je veux, c'est que la vérité apparaisse. Il se peut que ce soit lui qui ait la vérité, il se peut que ce soit moi. Mais je veux juste que la vérité apparaisse. Si tu me montres que c'est toi qui as raison, marhaban bik. Voilà comment il est le croyant. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent, al-haqqu dallatul mu'min. Hein? La vérité est dalla. C'est quoi dalla? C'est quelque chose que tu as perdu et qui a de la valeur. Quelque chose que tu as perdu et qui a de la valeur. Et que tu vas chercher. Hein? Ça s'appelle dalla. Et donc, cette chose que tu as perdu ta voiture. Tu as perdu ta voiture. Tu es allé, tu as garé ta voiture. Ensuite, tu ne sais plus où tu l'as garée. Et il y a un frère avec qui tu es en conflit. Un frère avec qui tu es en conflit, il vient te voir, il te dit, Yahri, tiens, voici les clés de ta voiture. Tu avais laissé les clés tomber et ta voiture, elle est là-bas, tu l'as garée là-bas. Est-ce que tu vas dire, non, je ne veux pas, toi. Non. Toi, je suis en conflit avec toi, je ne veux pas. Jamais tu vas dire ça. La voiture, tu vas faire un bon sourire, tu vas prendre les clés, Jazak Allah khair, tu vas oublier le conflit pendant 5 secondes et tu vas récupérer ta voiture. La vérité, elle a bien plus d'importance que cette voiture. Et donc toi, tu dois rechercher la vérité. Peu importe celui qui vient avec la vérité. T'es en conflit avec ton frère. T'es en conflit avec ton frère. Il t'a montré une vérité. Accepte-la, khalas. Accepte la vérité. Et donc il est important, cher frère, il y a énormément de caractéristiques des hypocrites. C'est bien, inshallah ta'ala, si un jour on fait une série de cours sur ce sujet. Les caractéristiques des hypocrites et les caractéristiques des croyants. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a cité les caractéristiques des hypocrites, il a cité les caractéristiques des croyants, il a cité les caractéristiques des kafirines, de façon générale. Il est important, pourquoi est-ce que Allah nous cite tout cela? C'est pour que nous, on fasse en sorte d'avoir en nous les caractéristiques des croyants et qu'on s'éloigne des caractéristiques des hypocrites. Taïb, si une personne rassemble en elle les quatre caractéristiques citées dans le hadith, est-ce que c'est un hypocrite? C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle a un degré pire que les incroyants? On va dire non. Non. Pourquoi? Parce que les savants, ils sont unanimes. Les savants, ils sont unanimes sur le fait que ces caractéristiques-là qui sont citées, elles ne font pas sortir l'individu de l'islam. Elles ne font pas sortir l'individu de l'islam. Et c'est là qu'on voit que c'est important de comprendre qu'il y a deux formes d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie mineure et l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie mineure, tu n'es pas encore sorti de l'islam, mais tu es en danger. Tu es en danger. Là, tu ressembles vraiment aux hypocrites. L'hypocrisie majeure, c'est celui qui va nous dire « Je suis croyant ». Et parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants ». Ça, c'est l'hypocrisie majeure. Le fait de dire « Je crois en Allah », je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cacher la mécréance. Ça, c'est l'hypocrisie majeure. Et donc, il est bien important de comprendre ce genre de hadith. Barakallahu fikum. On reprend, incha'Allahu ta'ala, vendredi prochain. Vendredi prochain, incha'Allah, vendredi, on va essayer pendant le week-end prochain de finir l'épître. Incha'Allahu ta'ala, il nous reste donc deux hadiths. Ah non, il nous reste trois hadiths, le 19, le 20 et le 21, je crois. Et donc, Inch'Allah, on va essayer de finir ça le week-end prochain. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde à tous une science profitable, qu'il nous accorde à tous des caractéristiques des croyants, des caractéristiques des gens du paradis, et qu'il éloigne de nous toutes les maladies du cœur, qu'il éloigne de nous les caractéristiques des hypocrites, qu'il nous accorde à tous la fraternité des croyants, le fait de patienter les uns sur les autres, le fait de s'excuser mutuellement, le fait de rechercher la vérité. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.